à toutes et tous et bienvenue dans le MAG. Au programme d'aujourd'hui, un nouveau volet de notre série d'émissions consacrée au festival Les Courants BD de Saint-Ouen-les-Vignes qui s'est tenu les 5 et 6 juillet dernier. Nous y étions en direct en partenariat avec Nicolas Vado de l'association La Ribambule pour faire vivre l'événement au plus près des bulles, des auteurs et de l'ambiance festive qui anime ce rendez-vous incontournable en Touraine. Et dans ce nouvel épisode, place à un auteur local avec Étienne Bonnet, dessinateur tourangeau qui nous a accordé un moment pour revenir sur son parcours, ses influences et ses projets en cours. Un grand merci à lui pour sa disponibilité et sa bonne humeur. On se retrouve très vite pour un 6e épisode consacré cette fois à Fred Quaco. Nous sommes sur ce site de Saint-Ouen-les-Vignes pour la 18e édition du festival BD Les Courants organisé par Prise d'Assaut. Et on a beaucoup de plaisir à recevoir différents auteurs au micro. Alors là, on avait Maëva à l'instant qui vient de partir, ou plutôt Windy, qui elle est originaire de Lyon. Bah là, on va retourner dans du local, du très local, avec Étienne Bonnet. Bonjour Étienne. Bonjour. On est ravis Étienne de te recevoir aussi sur ce plateau. Ben, merci de m'accueillir, c'est avec plaisir. Nico, tu connais Étienne ? Un petit peu, on a fait connaissance ce matin. Mm-hmm. Et puis voilà, on a déjà sur La Ribambule, on a chroniqué un ou plusieurs albums. Tout à fait, plusieurs, voilà. Il me semble. Plusieurs, voilà. Tout à fait. Donc on va pouvoir en discuter. D'ailleurs, on va commencer par Feutre Alcool. Tout à fait. Tu peux nous dire un petit mot sur cet album qui parle de ta cohabitation avec Serge Pelé. Exactement. Un auteur aussi tourangeau, si je ne m'abuse. Tout à fait. C'est un album au format de carnet, un peu comme un carnet de voyage, mais un carnet de quotidien plutôt. De mon travail, en fait, chez Serge, du coup, qui est auteur de bande dessinée sur Tours. Et en fait, souvent, les auteurs de BD, vu qu'on galère un peu financièrement, on se regroupe pour travailler dans des espaces à plusieurs. Moi, je travaille avec Serge, chez Serge. Du coup, on travaille sur des projets différents, mais ensemble en même temps. Et du coup, vu que lui est vraiment un vrai personnage de BD en vrai, j'ai pas besoin d'inventer des histoires, j'ai juste à redessiner les siennes. Moi, j'ai entendu une petite anecdote. Enfin, il y a une petite anecdote. J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu. Balance. Dire un petit mot sur ton dessin mi-cuit. Oui, c'est Serge, du coup, lui qui travaille sur la BD Orbital, qui est une BD de science-fiction assez connue. Il est très précis, il a une maîtrise de la perspective qui est très forte et il aime bien se foutre de la gueule de mon dessin qui, à l'inverse, est plutôt pas terrible, on va dire. Moi, je suis pas du tout dessinateur. Là-bas, j'ai fait des études de son, moi, je suis plutôt spécialisé dans la radio, tiens, du coup, parlons-en. Ah, bah voilà. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que t'as pensé du jingle tout à l'heure? Franchement, ça arrive à tout le monde. Un petit jingle au milieu, c'est parfait, moi, j'aime beaucoup. Non, mais autant pour moi, c'est moi qui ai repris les choses un peu rapidement. Voilà. Donc, ouais. Et il faut se caler, hein. on n'est pas intramuros là, on Exactement, est à l'extérieur. C'est plus difficile, hein, les plateaux extérieurs, c'est toujours, ça fonctionne très bien. C'est dans le direct. Temps, hein. c'est les joies du direct. Ben oui, bien sûr. Tout ça pour dire que du coup, avec mes études de son, bah, faire du dessin c'était un peu plus compliqué. Donc j'ai un dessin un peu instable, qui est pas, les perspectives sont un peu toutes foutues. Et Serge s'amuse à dire que j'ai le dessin mi-cuit. En mode vraiment, il est tout mou, il n'est pas fini, et ça, voilà, ça me plaît bien. Mais je trouve ça génial de voir les contradictions, justement, juste avant, avec Windy qui nous disait voilà, il y a ce côté féerique, ce côté imaginaire, ce côté onirique, et puis à côté de ça, elle peut écouter du métal. Et là, on a Étienne qui, lui, son truc, c'est le son, mais bah, finalement, il va faire des choses visuelles. Exactement, voilà. C'est génial. C'est ça, en fait, il n'y a pas forcément de logique, et puis c'est pas gênant. J'ai l'impression que c'est agréable dans la BD aussi d'avoir des profils qui ne sont pas des profils de dessin, forcément, parce que bon, je ne sais pas très bien dessiner, mais ça fait d'autres histoires. À raconter. Mmh, bien sûr. On va maintenant enchaîner avec ton dernier album là, qui est sorti, c'est Créneau Chromatique. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Parce que, en fait, si je vais juste ajouter, habituellement tu travailles en format à l'italienne et là c'est un grand format. Tout à fait. J'ai essayé de m'adapter un peu aux normes de bande dessinée. En fait, moi je dessine plutôt normalement au carnet. J'ai appris à dessiner en remplissant des carnets, à dessiner les gens dans les bars, à différents endroits. J'ai toujours un petit carnet sur moi. J'en ai un dans la poche actuellement. Je dessine les gens pour m'occuper. Et du coup, mes deux premiers livres étaient vraiment des carnets. En fait, c'est des carnets que j'ai auto-édités, que j'ai sortis en tant que livre, mais au même format que les carnets. Et là, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un truc un peu plus normal, entre guillemets, essayer de faire un format plus classique parce que pour moi, pour essayer de, on va dire, de rentrer dans le créneau, hein, d'essayer de, voilà, de voir ce que ça peut donner. Donc je suis parti sur c'est une série de strips, plein de ces 60 petites histoires qui me sont arrivées, c'est des histoires autobiographiques. En 9 cases à chaque fois, je me suis donné cet exercice de faire un 9 cases, une histoire qui m'est arrivée, ça peut être de la petite anecdote rigolote ou un truc complètement absurde. Ouais, voilà le contenu de ce livre-là. Et le choix des trois couleurs pour dessiner cet album. Là, ça venait d'un livre que j'ai lu il y a quelques années, qui est Anaïs Nin sur la mer de mensonges, qui est un livre magnifique qui est fait au crayon multicolore, et j'ai voulu essayer de refaire cette technique, j'ai pas du tout réussi. Donc j'ai trouvé une technique un peu similaire pour faire le même genre, qui convient à faire le dessin en bleu, puis en rouge, puis en jaune, pour donner un petit côté plus coloré, plus vivant, là où je travaille plutôt en monochrome d'habitude. Moi, j'avais envie de savoir si Étienne, sur ce site, il y a des auteurs que tu admires particulièrement et que tu as eu plaisir à rencontrer, que tu croises peut-être aussi régulièrement ou pas ? Il y a Titouane qui est là, dont j'aime beaucoup le travail, qui est aussi un autodidacte. Lui, qui a un niveau vraiment très précis. Lui, il est très loin du mi-cuit. Hein, lui, ce qu'il dessine, c'est très précis, très réussi. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je suis toujours content de le retrouver. Il fait partie des autres auteurs qui sont sur tour. En Indre-et-Loire, on a beaucoup d'auteurs et d'autrices. On a un vrai vivier et il y a quelque chose de très... Les gens se supportent tous entre eux, j'ai pas l'impression de voir de concurrence ou de choses comme ça, donc je suis toujours content de retrouver ces mêmes auteurs. Tu sais qu'il y a plusieurs projets communs qui se sont créés ici, alors allons savoir peut-être que... Bah oui, c'est vrai qu'il y a quelques années, ouais, moi je sais que je lisais Chacun son tour quand j'étais gamin, qui était un livre fait par des jeunes auteurs de Tours que je rencontre et qui sont des gens à qui je peux me retrouver à travailler de temps en temps sur les festivals, donc qui sait, on va peut-être reprendre, faire un Chacun son tour tome 3. Nous, on s'est vu il n'y a pas longtemps au centre social à Amboise, sur un ciné-concert, c'était absolument génial. Un ciné-concert, un BD-concert. Je le fais tout le temps aussi, ouais. Un concert dessiné. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Alors c'était super ce concept que tu dois connaître, Nico, mais toi, tu as un écran et puis tu as l'auteur qui... Alors on avait un saxophone de talent à travers Jonas Muel, président justement de la MJC d'Amboise. Et on avait également Moonly qui était là et Charles qui doit être en train d'animer, je crois d'ailleurs, sur le stand de la MJC, un atelier de dessin. Ça, c'est des expériences qui te boostent. Ouais, c'est assez rigolo à faire parce que c'est le genre de truc où on me propose de faire ça. Je suis en mode, oh là, je vais pas du tout savoir faire. Dessiner en impro, on tirait des mots au hasard dans un chapeau. Ouais. Et avec deux mots, on devait composer un dessin et le faire en 3 minutes, tout ça en essayant de se caler avec la musique. C'est un exercice qui est assez particulier, mais qui est en même temps très plaisant à faire. C'est agréable en plus d'être plusieurs à faire ce genre d'exercice. Ça change du côté solo. De la BD habituelle. Et d'autant plus sur ce lieu, alors j'y reviens parce que vraiment j'ai trouvé ça tellement chouette, dans un quartier classé prioritaire, on peut le dire, donc des gens qui n'ont pas forcément accès justement à des salons de la BD ou qui peut-être nous écoutent. D'ailleurs, venez, là c'est gratuit, c'est super, c'est à Saint-Ouen. Mais il faisait extrêmement chaud ce jour-là. On a tous eu très chaud dans la salle, mais alors vraiment un moment magique. Hein. J'ai trouvé ça vraiment superbe. Bah, merci. Puis, bravo aux autres, à Moonly aussi. Oui. Et à Charles, c'était vraiment c'était cool. Et puis aux musiciens, ça a vraiment fait l'ensemble a vraiment très bien fonctionné. C'était très chouette comme événement. Tout à fait. Moi, je vais revenir sur tes publications, parce que bon, en tant qu'auteur, on peut être édité par un éditeur classique, mais on peut aussi faire du financement participatif. Tout à fait. Tu en as fait ? Non. Tu n'en as pas fait ? Non. Moi, c'est de... L'information n'est pas bonne, du coup. Ah, je croyais. Parce que je voulais que tu me parles de la librairie lilloise Croix Funding. Je peux quand même en parler, mais c'est moi. Alors, c'est juste... Quel est ton lien avec cette librairie ? En fait, donc moi, je faisais un autre métier. Du coup, moi, je suis technicien son à l'origine. Là, et mon dernier boulot, c'est que je travaillais dans un cinéma de court-métrage à Lille. Et à Lille se trouve la seule librairie en France qui propose que des ouvrages auto-édités. Du coup, auto-édité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les artistes font... Au-delà du dessin, vont également faire le scan de leurs planches, le nettoyage, la maquette, envoyer tout ça à l'imprimeur, récupérer les livres et les vendre eux-mêmes. On est beaucoup à en faire. Sur le salon, on est pas mal de gens à faire de l'auto-édition. Et en fait, cette librairie, elle propose que des artistes auto-édités. C'est-à-dire que si on cherche n'importe quel autre livre édité, on le trouvera pas là-bas. Ils s'intéressent que à ces artistes-là. Et la plupart des artistes, pour auto-éditer leurs livres, parce que ça demande aussi d'avancer les fonds, et ben font souvent des crowdfunding sur Internet en demandant aux gens en fait de participer, en fait d'acheter le livre à l'avance pour avoir les sommes. Moi, du coup, avec mes anciens boulots, j'ai pu mettre un peu de sous de côté dont je me sers pour avancer l'argent pour imprimer mes livres, mais sinon on peut soit faire comme ça, soit passer par un crowdfunding pour auto-éditer. Mais oui, c'est un peu la galère de l'auto-édition, c'est qu'il faut aussi avancer souvent un gros chèque pour imprimer. Oui, bien sûr, mais c'est le cas aussi pour les romans, les contes. On a beaucoup d'artistes d'auteurs en tout cas qui galèrent, évidemment. Ouais. Exactement. Bah, puis on sait pas quel accueil le public va avoir. Donc l'avantage du crowdfunding, c'est de savoir s'il y a suffisamment de personnes qui vont être intéressées pour ça. Mais c'est un autre c'est au-delà du métier d'auteur en fait. Là, t'as différentes casquettes parce qu'il y a la promo. Il est comptable, il fait tout. C'est le problème, c'est qu'il faut en fait, on est auteur, dessinateur. Le scan, je sais pas comment on appelle le métier des gens qui scannent, mais derrière, faut faire du nettoyage, qui est un temps immense, faire de la maquette. Faut derrière être commercial, parce qu'il faut aller voir les librairies, les démarcher. Faut stocker les livres, faut les récupérer. Enfin, moi, c'est mon lit est entouré de cartons de livres à moi. En fait, j'ai l'impression d'être toujours en déménagement parce que j'ai des bouquins partout chez moi. Ça fait ça quand on a des enfants aussi. Simulation d'enfants, fait de l'auto-édition. C'est ça. Alors, on rigole, mais il y a une grande place à l'humour dans ton travail. Ça me paraît assez essentiel dans ma manière d'approcher quelle que soit la thématique. Là, je travaille un livre que j'espère finir pour septembre sur la thématique du deuil. Mais toujours. Ah oui, avec, c'est moins drôle. Sur le papier, oui, mais j'essaie de l'aborder comme le reste. Mmh. Du coup, c'est plus agréable comme ça. Et en ce moment, sur Insta, t'es très axé sur les animaux. Tout à fait. Mignon, mais un petit peu. Un peu, voilà, c'est ça. Pareil. Je fais sur Instagram beaucoup de petits strips avec des animaux que je dessine à l'aquarelle et qui racontent leur vie plutôt de manière un peu existentialiste, à surtout parler de la mort ou de choses comme ça. Ça me permet de créer des décalages que je trouve intéressants, et justement le côté mignon mais un peu glauque permet de maximiser à la fois le glauque et à la fois le mignon. On est là encore dans des trucs très paradoxaux, hein, c'est rigolo. Hein. J'aime bien ce qui est paradoxal, ce qui diffère un peu. Donc, c'est ce qui suscite de l'intérêt, de l'étonnement, ce qui suscite des choses en fait. Je l'espère en tout cas, c'est tout l'objectif. Un petit mot sur l'animation d'un atelier qui aura lieu le 16 juillet à la bibliothèque de la Rotonde. Tout à fait, il va même en avoir deux, parce que je devais en faire un cette semaine qui a été décalé à cause de la canicule. Donc le 16 juillet, le matin, je vais faire un atelier stop motion, donc animation en stop motion pour les enfants à la bibliothèque Paul Carla. Et c'est où, excuse-moi, dans c'est Tours au, c'est au Sanitas à Tours. D'accord, c'est à Tours. Okay. C'est en face du Palais des Sports, c'est à Tours. Et l'après-midi, de 15h à 17h30, je vais faire un atelier sur l'écriture de strip de bande dessinée, comment raconter une histoire, en fait, comment on peut la raconter en quelques cases, comment trouver la bonne manière de le raconter. Pas besoin de savoir dessiner, le but c'est pas de faire un atelier sur le dessin, c'est vraiment sur l'écriture, sur comment penser une histoire pour la rendre intéressante. Et oui, ça c'est à public adulte et ado. Et on peut encore s'inscrire du coup. Tout à fait, et les détails sont sur le site de la bibliothèque, je pense. D'accord, merci. Voilà, merci à vous. Ah bah super. Alors toi en tant qu'ingé son, qu'est-ce que tu aimes comme style musical ? Moi je suis plutôt rock indépendant, on va dire, de manière générale, mais après c'est plus large que ça. Mais à l'époque où j'officiais sur Radio Béton aussi, j'avais une émission, c'était une émission de rock indépendant. Tu vas forcément aimer Radioactive. Ah, parfait. Oui. Alors là, ce qui nous attend, c'est un Skip the Use classique. C'est très bien, on est pas mal, on n'est pas forcément très indépendant avec Skip the Use. En tous les certes, cas bon, ça marche on quand est même. Sur une page rock qu'on va pouvoir marquer ensemble. Super Étienne. Comme je demande à tous les auteurs avant de rendre l'antenne, où est-ce qu'on te retrouve sur ce site ? T'es placé où, toi ? Ce que j'ai mis sur Instagram, j'ai dit je suis entre Loisel et la Buvette. Ah. Du coup, je suis vraiment sur le chemin de tout le monde. En fait, quand on arrive, je suis vraiment dans les tables tout droit. Je suis dans le petit îlot central, super. Tout simplement. Parfait. Eh ben, on sait tout. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Étienne. Merci à vous pour l'accueil. Et puis, je remercie tous les auteurs qui réécouteront sans doute ces podcasts pour leur disponibilité, parce que c'est vrai que quand je les ai contactés en amont pour essayer de faire en sorte que les choses soient le mieux qu'elles est possible, il y a tout de suite eu un oui, avec plaisir. Enfin voilà, vous êtes disponible, vous êtes hyper accueillant, on est très contents. Bon, toujours partant pour faire de la radio. En plus, quand on baigne dedans. Super, et Skip the Use, c'est parti sur Radioactive.